بسم الله. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: وكانت الحال الأولى حال نبوة وإيحاء، ثم أمره الله في هذه الآية أن ينذر قومه ويدعوهم إلى الله، فشمر صلى الله عليه وسلم عن ساق التكليف وقام في طاعة الله يتم قيام، يدعو إلى الله سبحانه الكبير والصغير والحر والعبد والرجال والنساء والأسود والأحمر، فاستجاب له عباد الله من كل قبيلة. Donc ce premier cas dans la grotte de Hira, ça a été là qu'il est devenu prophète et qu'il lui a été fait la première révélation. Puis Allah Azzawajal lui a ordonné dans cette ayah, donc dans le Muddathir, de mettre en garde son peuple, de les avertir et de les appeler à Allah. Et donc il s'est mis à faire ça et a obéi à Allah de la meilleure façon, en appelant à Allah le grand et le petit, l'adulte comme l'enfant, et la personne libre et l'esclave, et les hommes et les femmes, et le noir et le blanc. Et les serviteurs d'Allah lui ont répondu de toutes les tribus. Et tout être humain est un serviteur d'Allah, qu'il l'accepte ou le renie. Ce n'est qu'un serviteur d'Allah Azza wa Jal. Et lorsqu'il est orgueilleux et prétend qu'il se suffit à lui-même, eh bien, il mange et il boit et il dort et il respire. Et en tout moment, il a besoin d'Allah Azza wa Jal. Et c'est Allah Azza wa Jal qui fait vivre et mourir. Mais il lui laisse un terme jusqu'au jour où il sera ressuscité. Subhanahu wa ta'ala. Et également dans les deux sahih, lorsque Allah Azza wa Jal a révélé à son prophète sa parole, وَأَنْدِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, et avertis ta tribu proche. La Ashira, c'est la Kabila. Il a rassemblé Quraysh, car il est de Quraysh, comme on a vu au début. Et il leur a dit, اشْتَرُوا أَنْفُسَكُمْ, rachetez vos âmes. لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, je ne vous servirai en rien auprès d'Allah. Et parmi ceux à qui il s'est adressé directement, l'Abbas ibn Abd al-Muttalib, son oncle, et sa tante Safiya, et également sa fille Fatima. Et il a dit à sa fille, Salini min mali ma shi'ti la urni anki min Allahi shay'a. Demande-moi de mon argent ce que tu veux, je ne te serai d'aucun secours contre Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal dit, وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا. Et ceci est un livre, le Coran, que nous avons révélé, béni, qui confirme ce qui était avant lui, et afin que tu avertisses la mère des cités, c'est-à-dire Mecca, et ceux autour d'elle. Et Allah Azza wa Jal dit, أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْدِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ. Ou bien disent-ils qu'il l'a inventé, c'est-à-dire que Mohammed a inventé ce avec quoi il est venu, mais plutôt c'est la vérité de ton Seigneur, afin que tu avertisses un peuple à qui il n'est pas venu d'avertisseur avant toi, afin qu'il se guide. Et Allah Azza wa Jalla dit, subhanahu wa ta'ala, litundira qawman ma undira aba'uhum fahum ghafilun, afin que tu avertisses un peuple dont les ancêtres n'ont pas été avertis et qui sont dans l'insouciance. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَكَذَلِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ. Et ainsi, nous t'avons révélé un Coran en arabe, afin que tu avertisses la mère des cités et ceux qui sont autour d'elle, et que tu avertisses du jour du rassemblement, c'est-à-dire le jour de la résurrection, au sujet duquel il n'y a pas de doute. Une partie sera au paradis et une partie dans la fournaise. Et les chrétiens, la'anahumullah, souvent ils prennent ces versets qui citent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé pour avertir la mère des cités, Makkah, et ceux d'autour d'elle, en disant qu'il a été envoyé aux Arabes, que c'est le prophète des Arabes. Il y a un groupe parmi les chrétiens qui croit que c'est bien le messager d'Allah, mais aux Arabes seuls. Et ça, cette croyance, elle n'est pas acceptée en islam. Elle n'est pas acceptée. Et c'est pour ça que on dit que si l'un d'entre eux, il témoigne qu'il n'y a de divinité ni d'être adoré que Allah, il témoigne que la ilaha illallah, et que Mohammed Rasulullah, alors on doit lui faire spécifier que c'est le messager d'Allah à toute l'humanité. Et sinon, c'est pas accepté de lui. Et parmi ce qu'il y réfute, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaykum jami'a alladhi lahu mulku as-samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dit aux gens, je suis le messager d'Allah à vous tous. Ilaykum jami'a, envoyé à vous tous. Celui à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Il n'y a d'adorer légitime que lui. Il fait vivre et il fait mourir. Croyez donc en Allah et en son messager, le prophète illettré, al-Ummi, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et le fait qu'il a appelé les Arabes et sa tribu parmi Quraysh en premier à l'islam, c'est normal vu qu'il était au milieu des Arabes et que c'est un Arabe, et que le Coran est révélé en arabe. Donc ça, c'est pas quelque chose d'étrange, c'est tout à fait normal que son message et sa da'wah commencent chez son peuple. Et ceci, le fait qu'il est envoyé à toute l'humanité, c'est une des spécificités qui lui sont propres, qui sont propres à Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme rapporté dans les deux sahihs d'après Jabir ibn Abdullah, qu'il a dit « Wa kana an-nabiy yub'athu ila qawmihi khasa wa bu'ithu ila an-nasi 'amma » Et le prophète était envoyé à son peuple, spécifiquement à son peuple, et j'ai été envoyé à toute l'humanité. Et les chrétiens, il est étrange qu'ils accusent et qu'ils cherchent à mettre cette ambiguïté dans les têtes des musulmans, car Isa, alayhi salam, il a été envoyé qu'à Bani Israël. Et leur texte qu'ils ont même à notre époque, il montre qu'il n'a pas été envoyé à autre que Bani Israël et qu'il n'a pas fait darwa à autre que Bani Israël. Et eux, ils ont propagé leur religion, bien sûr modifiée, car c'est pas ce sur quoi était Isa alayhi salam, la Trinité ou ces choses de polythéisme. Ils l'ont propagé dans le monde entier et ils ont fait da'wa, alors que Isa ne leur a jamais demandé ça. Allah al-Musta'an. Donc Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Et dans Sahih Muslim d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِّنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلَا نَصْرَانِي ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَّا كَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ » Par celui qui tient l'âme de Mohammed dans sa main, aucun juif ou chrétien de cette communauté n'entend parler de moi, c'est-à-dire cette communauté-là, c'est Ummat al-Da'wa, ce qu'on appelle, c'est-à-dire toute l'humanité. Et Ummat al-Ijaba, c'est les musulmans. Ummat al-Ijaba, ceux qui ont répondu à son message. Donc aucun juif ou chrétien de cette communauté n'entend parler de moi, puis meurt sans croire en ce avec quoi j'ai été envoyé, sans qu'ils soient des gens de l'enfer. Ensuite, Ibn Kathir dit, « Wa kana ha'iza sabqihim Abu Bakr, radiyallahu an, Abdullah ibn Uthman al-Taymi. » Et celui qui les a précédés est Abu Bakr, Abdullah ibn Uthman. Le nom d'Abu Bakr c'est une kunya, c'est Abdullah. Et Uthman, son père, sa kunya, c'est Abu Quhafa. At-Taymi. Wa azarahu fi dinillah, wa da'a ma'ahu ila Allahi ala basira. Fastajaba li Abi Bakrin, Uthman ibn Affan, wa Talha, wa Sa'd ibn Abi Waqqas. Donc il l'a secouru dans la religion d'Allah et a appelé avec lui à Allah, avec clairvoyance. Et le plus savant des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est Abu Bakr. Et lui a répondu à Abu Bakr, Uthman ibn Affan, le noble compagnon, le meilleur des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, après Abu Bakr et Omar, ibn al-Khattab. Uthman ibn Affan, la cause de son islam, c'est Abu Bakr. Et Talha, également Talha ibn Ubaidillah, parmi ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la bonne annonce, parmi ceux à qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la bonne annonce du paradis. Et Sa'd ibn Abi Waqqas également. Et Abu Bakr al-Siddiq, radiyallahu anhu, ne l'attaque et ne le calomnie qu'un kafir, le fait de l'attaquer lui et Omar, c'est l'acte des Rafida. Aucun musulman n'attaque ces deux imams qui ont lutté pour l'islam et qui ont propagé l'islam. Mais les majus de l'Iran, eux, ils attaquent ces deux imams des Sahaba. Allah al-Musta'an. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.